Souffle. Je suis née sans le souffle. Bleu. J'étais bleu. Étranglée dans le ventre de ma mère. Respirer a toujours été compliqué. Inspirer. Expirer. Souffle court. Comme si c'était à chaque fois l'effort de trop. Peut-être que ça se transmet, ce genre de choses. Est-ce que toi, maman, tu as toujours eu du mal à respirer? Est-ce que ça a été un jour naturel? Est-ce que pour toi aussi ça a toujours été un effort? Ça me rappelle le jour où tu as voulu te l'interdire. Ça me rappelle le jour où tu te l'es interdit. Depuis, j'ai l'impression qu'un de mes poumons a cessé de fonctionner. Depuis, j'ai l'impression que respirer, inspirer, expirer, j'ai l'impression que c'est une erreur. Pourtant, je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Alors je me dis que peut-être que quitte à faire les choses, autant les faire correctement. Non. Encore, la plupart du temps, j'oublie d'inspirer, expirer, expirer. Mais je m'entraîne. Ça devient de plus en plus facile, même si ça reste compliqué.